présence de Louis. Je sais pas, j'essaie de comprendre. Mais si c'est Louis... Catherine, je sais pas, je ne disais rien. Peut-être que j'ai cessé tout à fait de comprendre. Catherine, aide-moi, je ne disais rien, on règle le départ de Louis. Je l'accompagne, je dis que je l'accompagne, j'ai rien dit de plus. Qu'est-ce que j'ai dit de plus? J'ai rien dit de désagréable. Pourquoi est-ce que je dirais quelque chose de désagréable? Qu'est-ce qu'il y a de désagréable à cela? Y a-t-il quelque chose de désagréable à ce que je dis? Louis, ce que tu en penses? J'ai dit quelque chose de désagréable. Mais ne me regardez pas tous comme ça! Elle ne te dit rien de mal! T'es un peu brutal, on ne peut rien te dire. Tu ne te rends pas compte. Parfois, tu es un peu brutal. Elle voulait juste te faire remarquer... Je suis un peu brutal? Pourquoi tu dis ça? Non, je ne suis pas brutal! Vous êtes terribles tous avec moi! Non, il n'a pas été brutal, je ne comprends pas ce que... Oh, vous... toi, ça va, la bonté même! Je n'ai rien, ne me touche pas! Faites comme vous voulez! Je ne voulais rien de mal, je ne voulais rien faire de mal! Il faut toujours que je fasse mal! Je disais seulement... Je voulais seulement dire... Toi non plus, ne me touche pas! Je n'ai rien dit de mal, je disais juste qu'on pouvait l'accompagner. Et là maintenant, vous en êtes à me regarder comme une bête curieuse! Il n'y avait rien de mauvais dans ce que j'ai dit! C'est pas bien! C'est pas juste! C'est pas bien d'oser penser cela! Arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile! Il fait comme il veut! Je ne veux plus rien! Je voulais rendre service, mais je me suis trompé! Il dit qu'il veut partir, et ça va être de ma faute! Ça va encore être de ma faute! Ça ne peut pas toujours être comme ça! C'est pas une chose juste! Vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre moi! Cela ne se peut pas! Je disais seulement... Je voulais seulement dire, et ce n'est pas en pensant mal, je disais seulement, je voulais seulement dire... Ne pleure pas. Tu me touches, je te tue. Laisse-le, Louis. Laisse-le maintenant. Je voudrais que vous partiez. Je vous prie de m'excuser, je ne vous veux aucun mal. Mais vous devriez partir. Je crois aussi. Antoine, regarde-moi. Antoine, je ne te voulais rien. Je n'ai rien, je suis désolé. Je suis fatigué, je ne sais plus pourquoi. Je suis toujours fatigué. Depuis longtemps, je pense ça, je suis devenu un homme fatigué. C'est pas le travail, lorsqu'on est fatigué. On croit que c'est le travail, les soucis, l'argent, je sais pas. Non. Je suis fatigué, je sais pas dire. Aujourd'hui, j'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Je voulais pas être méchant. Comment est-ce que t'as dit? Brutal. Je ne voulais pas être brutal, je ne suis pas un homme brutal, c'est pas vrai. C'est vous qui imaginez cela, vous ne me regardez pas. Vous dites que je suis brutal, mais je ne le suis pas. Et ne l'ai jamais été. Je dis ça, c'était soudain comme si avec toi et avec tout le monde. Ça va maintenant. Je suis désolé, mais ça va maintenant. C'était soudain... Comme si avec toi, à ton égard, et avec tout le monde, avec Suzanne aussi, encore avec les enfants, j'étais brutal. Comme si on m'accusait d'être un homme mauvais. Mais c'est pas une chose juste, c'est pas exact. Lorsqu'on était plus jeunes, lui et moi, Louis, tu dois t'en souvenir, lui et moi, elle l'a dit, on se battait toujours. Et toujours, c'est moi qui gagnais, toujours. Parce que je suis plus fort, parce que j'étais plus costaud que lui, peut-être, je sais pas. Ou parce que celui-là, et c'est sûrement plus juste, j'y pense juste à l'instant, ça me vient en tête. Parce que celui-là se laissait battre, perdait en faisant exprès, et se donnait le beau rôle. Je sais pas, aujourd'hui cela m'est bien égal, mais je n'étais pas brutal. Là non plus je n'étais pas. Je devais juste me défendre. Tout ça, c'est juste pour me défendre, on peut pas m'accuser. Ne lui dis pas de partir, il fait comme il veut. C'est chez lui aussi. Il a le droit. Ne lui dis rien. Et je vais bien. Suzanne et moi. Oh, ça me fait rire. Et avec moi, ça me fait rire. Suzanne! Ne reste pas comme ça, je vais pas le cogner. T'as pas à avoir peur. C'est fini. C'est pas malin. Suzanne et moi, nous devrions être toujours ensemble. On ne devrait jamais se lâcher. Comment est-ce qu'on dit? Faire les coudes. S'épauler. On n'est pas trop deux contre celui-là. T'as pas l'air de te rendre compte. faut être au moins un peu contre sa vie, là. Je dis ça, et ça me fait rire. Toute la journée d'aujourd'hui, tu t'es mise avec lui. Tu ne le connais pas. Il n'est pas mauvais, non, c'est pas ce que je dis. Mais tu as tout de même tort, car il n'est pas totalement bon non plus. Tu te trompes. Et c'est pas malin, voilà, c'est ça. C'est pas malin, bêtement, de faire front contre moi. Personne n'est contre toi. Oui, sûrement. C'est possible. Et puis encore, un peu plus tard. Nous ne bougeons presque plus. Nous sommes toutes les trois comme absentes. On les regarde. On se tait. Dis qu'on ne t'aime pas. Je t'entends dire ça. Toujours je t'ai entendu. Je ne garde pas l'idée à aucun moment de ma vie que tu n'aies pas dit ça, à un moment ou à un autre. Aussi loin que je puisse remonter en arrière. Je ne garde pas la trace que tu n'aies fini par dire. C'est ta manière de conclure si tu es attaqué. Je ne garde pas la trace que tu n'aies fini par dire qu'on ne t'aime pas. Qu'on ne t'aimait pas, que personne, jamais, ne t'aima, et que c'est de cela que tu souffres. Tu es enfant, je te l'entends dire, et je pense, je ne sais pas pourquoi, sans que je puisse l'expliquer, sans que je comprenne vraiment, je pense. Et pourtant, j'en ai pas la preuve. Ce que je veux dire, et tu ne pourrais le nier si tu voulais te souvenir avec moi, ce que je veux te dire. Tu ne souffrais de rien. Et tu ne subissais rien de ce qu'on appelle le malheur. Même l'injustice de la laideur ou de la disgrâce et les humiliations qu'elles apportent, tu ne les as pas connues. Et tu en fus protégé. Je pense, je pensais que peut-être, sans que je comprenne donc, comme une chose qui me dépassait, que peut-être tu n'avais pas tort. Et que, en effet, les autres, les parents, moi, le reste du monde, nous n'étions pas bons avec toi. Et nous te faisions du mal. Tu me persuadais. J'étais convaincu que tu manquais d'amour. Je te croyais. Et je te plaignais. Et cette peur que j'éprouvais, c'est bien là encore de la peur qu'il est question. Cette peur que j'avais, que personne ne t'aime jamais. Cette peur me rendait malheureux à mon tour. Comme toujours, les plus jeunes frères se croient obligés de l'être, par imitation ou inquiétude. Malheureux à mon tour. Mais coupable encore. Coupable aussi de ne pas être assez malheureux. De ne l'être qu'en me forçant. Coupable de n'y pas croire, en silence. Parfois, eux et moi, et eux, tous les deux, les parents, ils en parlaient, et devant moi encore, comme on ose évoquer un secret dont on devait me rendre également responsable. Nous pensions, et beaucoup de gens, je pense cela aujourd'hui, beaucoup de gens, des hommes et des femmes, ceux-là avec qui tu dois vivre depuis que tu nous as quittés, beaucoup de gens doivent assurément le penser aussi. Nous pensions que tu n'avais pas tort, que pour le répéter si souvent, pour le crier tellement comme on crie les insultes, ce devait être juste. Nous pensions que, en effet, nous ne t'aimions pas assez, ou du moins que nous ne savions pas te le dire. Et ne pas te le dire, cela revient au même, ne pas te dire assez, que nous t'aimions. Ce doit être comme ne pas t'aimer assez. On ne se le disait pas si facilement. Rien, jamais, ici, ne se dit facilement. Non. On ne se l'avouait pas. Mais à certains mots, certains gestes, les plus discrets, les moins remarquables, à certaines prévenances. Encore une autre expression qui te fera sourire ? Mais j'ai plus rien à faire maintenant d'être ridicule, tu peux pas l'imaginer. À certaines prévenances, à ton égard, nous nous donnions l'ordre, manière de dire, de prendre plus souvent, et mieux encore, soin de toi. Garde à toi. Et de nous encourager les uns les autres à te donner la preuve que nous t'aimions. Plus que jamais, tu ne sauras t'en rendre compte. Je cédais. Je devais céder. Toujours j'ai dû céder. Aujourd'hui, ce n'est rien. Ce n'était rien. Ce sont des choses infimes. Et moi non plus, je ne pourrais pas prétendre à mon tour. Voilà qui serait plaisant. Un malheur insurmontable. Mais je garde cela surtout en mémoire. Je cédais. Je t'abandonnais des parts entières. Je devais me montrer, le mot qu'on me répète, je devais me montrer raisonnable. Je devais faire moins de bruit, te laisser la place, ne pas te contrarier, et jouir du spectacle apaisant enfin de ta survie, légèrement prolongée. Nous nous surveillons. On se surveillait. Nous nous rendions responsables de ce malheur soi-disant. Parce que tout ton malheur ne fut jamais qu'un malheur soi-disant. Tu le sais comme moi, je le sais. Et celles-là le savent aussi. Et tout le monde aujourd'hui voit ce jeu clairement. Ceux avec qui tu vis, les hommes, les femmes, tu ne me feras pas voir le contraire, ont dû découvrir la supercherie. Je suis certain de ne pas me tromper. Tout ton soi-disant malheur n'est qu'une façon que tu as toujours eu, et tu auras toujours. Car tu le voudrais, tu ne saurais plus t'en défaire. Tu es pris à ce rôle. Que tu as, et que tu as toujours eu de tricher, de te protéger, et de fuir. Rien en toi n'est jamais atteint. Il fallait des années, peut-être, pour que je le sache, mais rien en toi n'est jamais atteint. Tu n'as pas mal. Si tu avais mal, tu ne le dirais pas. J'ai appris cela à mon tour. Et tout ton malheur n'est qu'une façon de répondre, une façon que tu as de répondre, d'être là devant les autres, et de ne pas les laisser entrer. C'est ta manière à toi, ton allure, le malheur sur le visage, comme d'autres un air de crétinerie satisfaite. Tu as choisi ça, et ça t'a servi, et tu l'as conservé. Et nous, nous nous sommes fait du mal à notre tour. Chacun n'avait rien à se reprocher, et ce ne pouvait être que les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables tous ensemble. Moi, eux. Et peu à peu, c'était de ma faute. Ce ne pouvait être que de ma faute. On devait m'aimer trop puisqu'on ne t'aimait pas assez. Et on voulut me reprendre alors ce qu'on ne me donnait pas. Et ne me donna plus rien. Et j'étais là, couvert de bonté sans intérêt, à ne jamais devoir me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait, comblé. Tiens, le mot, comblé. Alors que toi, toujours, inexplicablement, tu suais le malheur dont rien, ni personne, malgré tous ses efforts, n'aurait su te distraire et te sauver. Et lorsque tu es parti, lorsque tu nous as quittés, lorsque tu nous abandonnas, je ne sais plus quel mot définitif tu nous jetas à la tête, je dus encore être le responsable. Être silencieux. Et admettre la fatalité. Et te plaindre aussi. M'inquiéter de toi à distance. Et ne plus jamais oser dire un mot contre toi. Ne plus jamais même oser penser un mot contre toi. Rester là, comme un bonnet, à t'attendre. Moi, Je suis la personne la plus heureuse de la Terre, et il ne m'arrive jamais rien. Et m'arrive-t-il quelque chose que je ne peux me plaindre? Puisque, à l'ordinaire, il ne m'arrive jamais rien. C'est pas pour une seule fois, une seule petite fois, que je peux lâchement en profiter. Et les petites fois, elles furent nombreuses, ces petites fois où j'aurais pu me coucher par terre et ne plus jamais bouger, où j'aurais voulu rester dans le noir sans plus jamais répondre. Ces petites fois, je les ai accumulées et j'en ai des centaines dans la tête. Et toujours ce n'était rien. Au bout du compte, qu'est-ce que c'était? Je ne pouvais pas en faire état. Je ne saurais pas les dire. Et je ne peux rien réclamer. C'est comme s'il ne m'était rien arrivé. Jamais. Et c'est vrai. Il ne m'est jamais rien arrivé. Et je ne peux prétendre. Tu es là devant moi. Je savais que tu serais ainsi, à m'accuser sans mots, à te mettre debout devant moi pour m'accuser sans mots. Et je te plains. Et j'ai de la pitié pour toi. C'est un vieux mot, mais j'ai de la pitié pour toi. Et de la peur aussi. Et de l'inquiétude. Et malgré toute cette colère, j'espère qu'il ne t'arrive rien de mal. Et je me reproche déjà, tu n'es pas encore parti. Le mal, aujourd'hui, que je te fais. Tu es là. Tu m'accables. On ne peut plus dire ça, tu m'accables. Tu nous accables. Je te vois, j'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'étais enfant. Et je me dis que je ne peux rien reprocher à ma propre existence. Qu'elle est paisible et douce. Et que je suis un mauvais imbécile qui se reproche déjà d'avoir failli se lamenter. Alors que toi, silencieux, oh tellement silencieux, bon, plein de bonté, tu attends, replié sur ton infinie douleur intérieure dont je ne saurais même pas imaginez le début du début. Je ne suis rien. Je n'ai pas le droit. Et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras, je serai moins encore. Juste là à me reprocher les phrases que j'ai dites. À chercher à les retrouver avec exactitude. Moins encore. Avec juste le ressentiment. Le ressentiment contre moi-même. Louis. Oui. J'ai fini, je ne dirai plus rien. Seuls les imbéciles ou ceux-là, saisis par la peur, auraient pu en rire. Je ne les ai pas entendus. Après, ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard. Une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore. Après, j'en aurai fini. C'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdu la nuit dans la forêt, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route. Le chemin sera plus court. Et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule. Je n'y risque rien. Et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune. Et je marche, seul dans la nuit, à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir. Hurler. Une bonne fois. Mais je ne le fais pas. Je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai.